بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا نواصل في قراءة وترجمة تلخيص لشرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى والشرح هو شرح الشيخ الفقيه المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقد وجدت له تلخيصا كما قلت في الدرس السابق اسمه التلخيص المعين التلخيص المعين في شرح الأربعين وهو ملخص وتلخيص لشرح شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهو شرح مطول وقد اختصره هذا الطالب اختصارا جيدا وفي الدرس السابق تكلمنا عن الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهو حديث متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. Donc nous continuons l'explication ou plutôt la traduction de l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, une explication du grand savant, le mufassir, le juriste Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, qui a expliqué et de façon précise et a étendu l'explication de ces 40 hadiths, et un étudiant en sciences a résumé cette explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala en prenant les termes même de Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que ce résumé prend l'essentiel de l'explication de Cheikh en utilisant les termes qu'a utilisé Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Autrement dit, rien n'a été ajouté de cet étudiant si ce n'est qu'il a enlevé ce qui pouvait être enlevé afin de communiquer le plus important et ce que doivent retenir les musulmans. Et durant le dernier cours, on avait commencé à expliquer le hadith du guide des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention ». Celui donc qui a émigré vers Allah et son envoyé, alors son émigration sera comptée comme étant vers Allah et son envoyé. Quant à celui qui a émigré vers en recherchant cette vie d'ici-bas, ou en voulant se marier, ou en recherchant une femme avec laquelle il désire se marier, alors son émigration sera comptée comme telle. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rahimahum Allah Ta'ala. On s'était arrêté à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الدَّرْسِ السَّابِقِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْهِجْرَةِ تَتَوَقَّفُ على إظهار الدين فمن استطاع أن يظهر دينه فإن الهجرة لا تجب عليه بخلاف الذي يجد صعوبة في إظهار شعائر الإسلام وفي التزامه بدين الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الهجرة حينئذ تجب عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى متمما لشرح هذه الكلمة من الحديث: وهنا مسألة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تحت الثرى، وأما الهجرة إلى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما جاء الحث عليه، وذلك مثل الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه وشريعته حال حياته وبعد مماته إلى شريعته فقط. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, après avoir donné le jugement de l'immigration, à savoir qu'elle est obligatoire pour celui qui n'a pas la possibilité de vivre sa religion et de l'exposer, et d'exposer les emblèmes de la religion, alors l'émigration devient obligatoire pour lui. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, pose une question, à savoir, est-ce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est autorisé d'émigrer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui dont l'émigration est vers Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, alors son émigration sera comptée comme étant vers Allah et son envoyé. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'on peut encore parler d'émigrer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il est mort? La réponse est oui, tout dépend de l'intention. Si c'est d'émigrer vers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est désormais mort et il est enterré sous terre. Il était autorisé d'émigrer vers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son vivant, de son vivant, mais après sa mort, il est interdit d'émigrer vers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ceux qui se rendent à Médine ne doivent pas se rendre à Médine pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur but et leur intention doit être de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit le Nabi alayhi wa sallam: la tushaddu rihal illa ila thalatati masajid, al masjid al haram wa masjidi hadha wal masjid al aqsa. فحينئذ السفر إلى زيارة قبر لا يجوز في الإسلام، وإنما يجوز السفر إلى مساجد ثلاثة، وهي مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le voyage vers une mosquée ne doit se faire que vers trois mosquées uniquement: la mosquée de la Mecque, ma mosquée ici et la mosquée de Jérusalem. Ce sont les trois mosquées que tu as le droit de visiter et de voyager pour aller les visiter uniquement. On en déduit donc qu'il est interdit de partir à Médine pour seul but ou en ayant l'intention de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé d'émigrer vers lui, mais non pas vers sa personne, mais vers sa sharia, vers sa sunna, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tu émigres d'un pays vers un autre pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en espérant la satisfaction d'Allah azza wa jalla et sa récompense, et tu émigres vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas vers sa personne, mais vers sa sunna, vers ce qu'il a légiféré sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pour appliquer sa sunnah dans de bonnes conditions et de façon aisée si la personne rencontre des difficultés dans le pays où elle vit. ثم قال ومن كانت هجرته. Donc pour résumer, l'émigration vers Allah subhanahu wa ta'ala existe en tout temps et tout lieu. L'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir à la fois vers sa personne et sa sunnah, ceci n'est autorisé ou n'était autorisé qu'à l'époque du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé uniquement que d'émigrer vers la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بأن علم أن البلد الفلاني تجارته رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد أي هذه التجارة والأرباح وإذا أراد الله أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء أو من هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه. Quant à celui qui émigre vers cette dunya, vers cette ville ici-bas, l'exemple, c'est par exemple une personne qui sait que dans tel pays, le commerce est répandu et qu'il est fructueux. Alors, il émigre vers ce pays pour y travailler, pour y faire des transactions commerciales dans le but de faire des gains. Celui-ci, il n'aura pas de récompense si ce n'est les gains qu'il percevra dans ce pays. Sachant que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui donne la pourvoyance. Et même si ce pays est fructueux ou son commerce est fructueux, tout dépend bien sûr de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jalla ne veut pas qu'une personne gagne de l'argent, même si tous les éléments sont présents, eh bien cette personne ne gagnera pas d'argent. Également, celui qui émigre d'un pays vers un autre, vers une femme avec qui il désire se marier. Exemple, un homme, comme l'exemple qu'a donné Cheikh, un homme qui désire se marier avec une femme, qui pose comme condition que cet homme vienne vivre avec cette femme dans le pays où elle réside. Cette personne donc émigre du pays, de son pays d'origine, vers le pays où réside sa femme, et ceci uniquement pour être aux côtés de son épouse. ثم قال رحمه الله رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزباه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة أي صحيح البخاري ومسلم وهما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه لا يفيد الظن بل العلم وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم لأن البخاري يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه أما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي وإن لم يثبت لقيه وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا فالصواب ما ذكره البخاري رحمه الله أنه لا بد من ثبوت اللقي لكن ذكر بعض أهل العلم أن سياق مسلم رحمه الله أحسن من سياق البخاري لأنه أي الإمام مسلم يفرق الحديث ففي صنعة صحيح مسلم أفضل وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل كما قال الشاعر تجاشر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. Puis l'imam al-Nawawi, rahimahullah, à la fin du hadith, a donné al-takhrij, c'est-à-dire qui a rapporté ce hadith. Il a été rapporté par les deux imams du hadith, qu'il soit Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Bardizbah al-Bukhari, rahimahullah, et l'autre imam qui est Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, dans leurs deux sahih, qui sont considérés comme les deux livres les plus authentiques, c'est-à-dire après le Coran. Ce sont donc les deux livres, Al-Bukhari, le Sahih, l'authentique de Al-Bukhari et l'authentique de Muslim, sont donc les deux livres les plus authentiques qui ont été écrits. C'est pour cela que les savants ont dit que le hadith dans lequel se sont mis d'accord à la fois Al-Bukhari et Muslim sur son authenticité prouve une science exacte et une certitude. Et il est clair que l'authentique de Sahih al-Bukhari est plus authentique que celui de Muslim. Pourquoi ? Car l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, pour que son hadith soit authentique, ou que le hadith qu'il rapporte soit authentique, il donnait des conditions qui étaient draconiennes. À savoir qu'il imposait que chaque rapporteur de la chaîne de transmission se soit rencontré. Et que cette rencontre soit prouvée. Quant à l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il se contentait de savoir que les deux rapporteurs, celui qui rapporte à l'autre, à savoir le maître qui transmet à son élève, ou l'élève qui écoute de son maître, qu'il ait vécu à la même époque, et qu'ils aient vécu dans un endroit qui nous montre ou qui nous prouve que leur rencontre était possible. Donc la condition de Al-Bukhari, rahimahullah, c'était que la rencontre entre le maître et son élève devait être avérée et prouvée. Quant à l'imam Muslim, il se contentait uniquement d'être sûr que le maître et l'élève ont vécu à la même époque et que durant leur vivant, ils étaient potentiellement capables de pouvoir se rencontrer. Pour cela que les hadiths rapportés par Al-Bukhari rahimahullah sont plus authentiques que ceux rapportés par Muslim rahimahullah ta'ala. Et lorsque l'on lit la biographie de l'imam Bukhari rahimahullah, il ne mettait de hadith dans son sahih qu'après avoir fait une prière de consultation. Il faisait une prière de consultation avant de mettre un hadith dans son sahih, rahimahullah ta'ala. Quant à la comparaison entre le sahih de l'imam Muslim et le sahih de Bukhari, comme je l'ai dit, le sahih de Bukhari est plus authentique. Quant au sahih de l'imam Muslim, il est, comment dire, il est plus agencé, c'est-à-dire que les hadiths sont disposés de façon meilleure, c'est-à-dire que les chapitres, les hadiths sont placés dans des chapitres avec lesquels ils coïncident, et l'agencement de Sahih al-Muslim est fait de façon plus précise et de façon plus claire que l'agencement de l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et les savants disent que dans le chapitre qu'ils donnent, le titre du chapitre qu'ils donnent dans leur livre prouve leur compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces deux imams ne sont pas seulement des rapporteurs, ceux qui écoutent les hadiths à droite et à gauche en s'assurant que les rapporteurs remplissent les conditions pour que le hadith soit authentique, et retranscrivent uniquement ce hadith sans en comprendre le sens et sans en déduire les jugements, cela est faux. Et malheureusement, cette idéologie est beaucoup répandue à notre époque. À savoir qu'il différencie à notre époque, beaucoup de personnes utilisent ou diffusent ou propagent une idéologie pour venir à des fins bien précises. Que disent-ils ? Ils disent que les muhaddiths ne sont pas des faqih, que les muhaddiths ne sont pas des juristes, c'est-à-dire qu'ils connaissent par cœur les chaînes de transmission. Si on les questionne sur ce hadith, est-il authentique ou non, ils savent répondre de façon précise que ce hadith est faible ou que ce hadith est authentique, car les rapporteurs, il peut citer les rapporteurs de la chaîne de transmission, un tel est Sadouq, un tel est Adil, etc. Ils connaissent tous les détails du hadith, mais n'en connaissent pas le sens et n'en comprennent pas de façon poussée les jugements qu'on peut en déduire, car cela est propre aux juristes, al-fuqaha. Et cela est faux. Et pour appuyer leur hypothèse, ils disent c'est comme le médecin et le pharmacien. Le pharmacien connaît les médicaments et il prescrit ce que le médecin a ordonné. Mais personne ne va se soigner chez le pharmacien. Ceci est une comparaison fausse. Car le muhaddith est une personne qui étudie la science du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est la science la plus noble après la science du Coran. Car vous le savez que la science du Coran, c'est-à-dire le ilm, ilm al-tafsir, huwa ashraful ulum. C'est la science la plus noble. Pourquoi ? Car tu apprends et tu comprends les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite vient dans la noblesse la science du hadith, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute qu'une personne qui apprend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les étudie, qui en comprend le sens et qui fait des recherches, il n'y a nul doute qu'il sera automatiquement un juriste. Il sera même plus compétent qu'un juriste, car le juriste ne connaît pas forcément la faiblesse ou l'authenticité des hadiths, ce que connaît en revanche le muhaddith. Et beaucoup utilisent cette idéologie ou la diffusent pour discréditer certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Certains disent que Cheikh Al-Albani, il ne faut pas prendre de lui le fiqh, la jurisprudence, car c'était un muhaddith. Il ne connaissait que l'aspect extérieur du hadith, si on peut dire ça comme ça, mais il n'était pas considéré comme un juriste, et cela est faux. Et ses élèves, rahimahumullah, ses élèves, hafidahumullah, ont attesté de la grande science de Cheikh Ibn Albani, rahimahullahu ta'ala, et que ses assises, les assises de science que faisait Cheikh Al-Albani rahimahullah, étaient plus des assises de fiqh que des assises de hadith. Rahimahullah ta'ala. Thumma dhakara al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fawaid al-hadith. Ma yustanbatu fi hadithi Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu min al-fawaid. Awalan, qala hadha al-hadith ahadu al-ahadith allati alayhi madaru al-islam. ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين هما هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, comme cela a été de son habitude, il citait tout ce que l'on peut retenir des hadiths après les avoir expliqués globalement. Il rentrait ensuite dans les détails de ce qu'on pouvait retenir de ce hadith. Ce qu'on peut retenir du hadith de Omar ibn al-Khattab, comme l'a dit Ibn Uthaymeen, rahimahullah, c'est il fait partie des hadiths autour duquel c'est-à-dire des hadiths qui sont importants et sur lesquels repose l'islam. Et l'islam repose sur deux hadiths, si on peut généraliser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on pouvait en donner deux qui étaient les plus importants et sur lesquels l'ensemble des jugements reviennent, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, à savoir que les actes ne valent que par l'intention. Et ensuite le second qui est le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait un acte où il n'y a pas notre commandement est rejeté. » Le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu est une référence dans les actes du cœur, à savoir l'intention. Et quant au hadith de Aïcha radiallahu anha, c'est une référence sur les actes des membres du corps, c'est-à-dire les actes extérieurs, à savoir les adorations. Donc toute adoration, pour qu'elle soit valide, doit être sincère vis-à-vis d'Allah azzawajal. Et ici entre en compte le hadith de Omar, mais cette adoration doit être également en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici entre en compte le hadith de Aïcha radiallahu anha. ثانيا ومن فوائد الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهنا مسألة: لو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل تجزي أو لا تجزي؟ الجواب: قيل تجزي، ولا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به. La deuxième chose que l'on retient du hadith de Omar al-Khattab, c'est qu'il est obligatoire de séparer les adorations les unes des autres. Il faut séparer les adorations, par exemple, et les transactions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat ». Les actes ne valent que par leur intention. Donc chaque acte que tu fais doit avoir son intention. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymin donne ou expose une problématique, à savoir si une personne sort après que le soleil ait dépassé son zénith. Il sort de chez lui en étant purifié et rentre à la mosquée. Et en rentrant à la mosquée, il n'a ni l'intention de prier la prière de Dhuhr, ni l'intention de prier la prière de l'Asr, ni l'intention de prier la prière de l'Isha. Mais il a seulement l'intention de prier l'obligatoire, la prière obligatoire de cette heure, qui est après que le zénith ait dépassé, après que le soleil, afwan, ait dépassé son zénith. Est-ce que la prière est acceptée ou non? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Car il s'est rendu à la mosquée après que le soleil ait dépassé son zénith. Et la seule prière qui peut être faite, la seule prière obligatoire qui peut être faite après que le soleil ait dépassé son zénith, est la prière de Dhuhr. Donc même s'il n'a pas l'intention de prier la prière de Dhuhr, le simple fait qu'il ait prié une prière obligatoire à ce moment suffit pour que sa prière soit acceptée. Et c'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis qu'a choisi le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Thalithan wa min fawaid al-hadith al-hath 'ala al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qassama an-nas ila qismayn: qism arada bi'amalihi wajha Allah wa ad-dar al-akhirah, wa qism bil-'aks, wa hadha ya'ni al-hath 'ala al-ikhlas lillah 'azza wa jalla. Ce qu'on retient également du hadith, c'est l'encouragement à être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a divisé les gens ou a séparé les gens en deux. Une partie qui recherche Allah subhanahu wa ta'ala et la vie de l'au-delà, et l'autre partie qui, au contraire, ne recherche que les biens de cette vie d'ici-bas. Autrement dit, c'est un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un encouragement de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans d'être sincères dans leurs actions. Et que celui qui émigre d'un pays vers un autre, il doit émigrer vers Allah et vers son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire vers sa sunnah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et si il y a plusieurs causes qui font qu'il émigre, à savoir si cette personne émigre pour se marier, quelles phases sont possibles pour que son intention première soit d'émigrer vers Allah et vers son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, puis vient en second lieu le fait de se marier avec cette femme. Mais il doit s'efforcer, et c'est quelque chose qui doit être renouvelé sans cesse. La sincérité d'Allah azawajal, d'être sincère dans ses adorations, n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui demande des efforts perpétuels, des efforts quotidiens, voire des efforts de chaque instant, pour que la personne soit sincère et adore Allah Azza wa Jalla en toute sincérité. Rabi'an, min fawaid al-hadith, husn ta'lim al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa dhalika bi tawzi' al-kalam wa taqsimih, لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول به هذا أولا. والثاني من حسن التعليم تقسيم الهجرة إلى قسمين شرعية وغير شرعية وهذا من حسن التعليم ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا لأن هذا ينسي بل عليه أن يجعل أصولا وقواعد وتقييدات لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه أما أن تسرد عليه المسائل فما أسرع أن ينساها. وغتشي كما دو سو حديث la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam place les mots à la يعني dit les mots à leur place, et c'est la définition même de la sagesse. La sagesse est de placer chaque chose à sa place et de mettre chaque chose à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout d'abord parlé des actes et a dit innama al-a'malu bil-niyyat, les actes ne valent que par leur intention. Ici le jugement est porté sur les actes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innama likulli imri'in ma nawa, et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Donc ici, c'est un jugement qui concerne qui? Qui concerne qui? Vous suivez ou pas? Qui concerne la personne, al-ma'moul, celui qui fait l'acte. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, et chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. Et la première partie du hadith, c'est chaque acte ne vaut que par l'intention. C'est-à-dire que l'acte n'est valide, c'est-à-dire qu'il est considéré comme pieux ou pas, comme accepté ou non, en fonction de l'intention de la personne. Et la personne est rétribuée, elle aussi, en fonction de son intention. Et également, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a séparé la hijra en deux. Une hijra autorisée ou légiférée, et une hijra non légiférée. Et ceci fait partie de la grande pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et c'est ce qui est demandé à tout enseignant, à ceux qui enseignent la religion ou autre, de transmettre des règles plutôt que de faire une liste d'exemples ou une liste de problématiques ou de sujets ou une liste de divergences. Il est demandé aux enseignants de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir man kana faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ila akhirih fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré des règles. Celui qui émigre vers Allah et son envoyé, alors son émigration sera vers Allah et son envoyé. Et celui qui émigre vers autre qu'Allah et son envoyé, à savoir cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient, alors il n'aura de récompense que la chose vers laquelle il a émigré. Ce sont des règles qui peuvent s'appliquer à toute situation. Qui peuvent s'appliquer à toute situation. Et au lieu de citer toutes les situations possibles concernant ce sujet, il vaut mieux donner des règles que les gens comprennent et qu'ils pourront ensuite appliquer en fonction des différentes situations. خامسا ومن فوائد الحديث قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقول ثم إلى رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ الجواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد، فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. وأما إذا قال هل هذا حرام أم حلال، فقيل في الجواب الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم الله تعالى، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. On en déduit de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité, s'est cité avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit « Et celui qui émigre vers Allah et son envoyé. » Ceci alors que dans un autre hadith, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ma sha'Allah wa shi't » c'est-à-dire qu'il n'y a que ce que tu veux, que ce qu'Allah veut et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit بل ما شاء الله وحده. Non, au contraire, il n'y a que ce que Allah seul veut. Et dans une autre version, قال ما شاء الله وشئت فقال بل ايش الرواية ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Dans un autre hadith, le professeur Hassan a dit « As-tu fait de moi une divinité avec Allah ?» dit « Il n'y a que ce qu'Allah veut seul. » Comment rassembler ces hadiths? Le hadith de Omar al-Khattab où le professeur Hassan lui-même dit « Celui qui émigre vers Allah est son envoyé. » Et le hadith où le professeur Hassan a dit à cet homme « dit il n'y a que ce qu'Allah veut seul », c'est-à-dire que le professeur sallam a refusé qu'il soit cité avec Allah azza wa jal. Et dans un autre hadith qul ma sha Allah, dans un autre hadith, yani ce qui est demandé c'est de dire thumma, non pas waw, c'est de dire puis et non pas et. Comment répondre à ce qui ressemble à une problématique qui n'en est pas? Car il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni dans le Coran, ni dans la sunna, il n'y a de contradiction. Car toutes ces sources sont des sources divines, des sources protégées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jalla dans le Coran, « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا » Et si ils étaient venus, c'est-à-dire ce Coran, d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions, de nombreuses divergences. Mais ce livre, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne comporte donc pas de contradictions. Et également, cela est valable pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne sont pas contradictoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais contredit. Et si deux hadiths semblent en apparence se contredire, c'est un manque de science de notre part. Et en aucun cas le professeur Hassan ne se contredit dans ses paroles. Et les savants ont écrit des livres. Et le plus connu, c'est le livre de l'imam al-Tahawi, رحمه الله تعالى مشكل الآثار qu'il a appelé la problématique de يعني présente dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'on les lit, nous semblent contradictoires. Et ensuite, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, donne l'explication et apporte l'argumentation nécessaire pour lever toute problématique et toute contradiction. Soit un des hadiths est abrogé, l'autre est abrogeant, soit le hadith a été dit avant et l'autre a été dit après, soit l'un est faible et l'autre est authentique, etc., etc. Autant de moyens que les savants utilisent pour rassembler deux hadiths qui semblent contradictoires, et je dis bien qui semblent contradictoires mais qui ne le sont pas. Donc la réponse est tout ce qui concerne l'islam et la législation musulmane. Il est autorisé de dire Allah est son envoyé. Car ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la religion, concernant la législation musulmane, est équivalent à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal, مَنْ يُطَعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ. Celui qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah. Car le prophète sallam n'est qu'un transmetteur. C'est un envoyé qui a pour charge de transmettre aux gens, aux êtres humains et aux djinns, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce qui concerne les sujets qui n'ont pas de lien avec la religion, qui sont en rapport avec cette vie d'ici-bas, alors il est interdit de mettre quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant le terme « waouh ». Car toute chose dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymin a donné deux exemples pour illustrer ce qu'il vient de dire. Le premier exemple, si une personne dit « est-ce qu'il va pleuvoir demain ?» et que la personne à qui on a posé la question répond « Allah wa rasuluhu a'lam ». Allah et son envoyé savent. Ou seul Allah et son envoyé savent. Là, il a fait une erreur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de science et ne sait pas s'il va pleuvoir demain ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il est dans sa tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si une personne dit « est-ce que telle ou telle chose est interdite en islam ou alors est-ce qu'elle est autorisée ?» Là, la personne a le droit de dire « Allah et son envoyé savent. » Car c'est un sujet qui est en rapport avec la religion. Et tout jugement, le prophète sallam en a la science, car tout ce qui provient du prophète sallam provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui obéit au prophète sallam obéit alors à Allah. Et il y a, dans ce verset du Coran, une réponse à une secte qui s'appelle Al-Qur'aniyin, qui disent que nous ne prenons que ce qu'il y a dans le Coran. Et nous nous contentons de mettre en pratique que ce qu'il y a dans le Coran et seulement. Et certaines personnes ont été influencées par certaines idéologies de cette secte. Et beaucoup mettent des doutes chez certains jeunes en leur disant quelle est la preuve qu'on doit faire 5 prières dans la journée. Apporte-moi un verset du Coran qui prouve qu'on doit faire 5 prières dans la journée. C'est une question qui m'a été posée récemment. La réponse est, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu et il faut mettre une barrière d'office. À savoir que je n'accepte pas que tu ne prennes comme source que le Coran. Cela est contraire au Coran même. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu » وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah Azza wa Jal, si toi qui appliques le Coran, applique ce verset. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Cela ne veut pas dire prenez-le si vous le voulez, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal qui dit prenez-le. Prenez en compte et appliquez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné d'appliquer. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Et ce qu'il vous a interdit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors abstenez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire 5 prières par jour. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu en essayant de chercher dans le Coran ce qui pourrait être une preuve que l'on doit faire 5 prières, même s'il y a dans le Coran des preuves que l'on doit faire 5 prières, car dans le Coran, on retrouve les 5 laps de temps dans lequel on fait les 5 prières. Mais il ne faut pas rentrer à la base dans ce débat et, comme le disent les savants, أثبتي العرش ثم القش. C'est-à-dire que fais en sorte que la chaise que tu veux sculpter soit en place et soit stable avant de la sculpter. Ça ne sert à rien de sculpter quelque chose qui est instable. Donc il faut que les bases soient acquises. Et il ne faut en aucun cas accepter que ces bases soient remises en cause. Donc les sources en islam sont le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le livre du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces personnes qui allaient arriver. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yakunanna aqwamun muttaki'un ala arikatihim yakuluna hada kitabullah fama wajadna fihi min halalin halalna wama wajadna fihi min haramin harramna ala innama harrama rasulullah mithlu ma harramallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces personnes qui seront accoudées, allongés, accoudés, c'est-à-dire qui auront une stature ou une posture où ils seront installés confortablement. Et ils diront, ceci est le livre d'Allah, ce que nous y voyons d'interdit, nous l'interdisons, et ce que nous y voyons d'autorisé, nous l'autorisons. Puis le prophète sallam a répondu en disant, « Ala innama harrama rasulullah, mithlu ma harramallah. » Le prophète sallam a dit, « Le prophète sallam n'interdit que ce qu'Allah a interdit. » Donc prenez garde à ce genre de personnes. من فوائد الحديث أيضا أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنع ولا يجد من يمنعه في ذلك فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط للمستحب والواجب، وهذا يكون في البلاد الكافرة. أما في البلاد الفاسقة وهي التي تعلن الفسق وتظهره، فإن نقول إن خاف الإنسان على نفسه أن ينزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لم يخف فتكون غير واجبة، بل نقول في بقائه إصلاح، فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان اصبر واحتسب، ولا سيما إن كنت مصلحا، بل قد يقال إن الهجرة في حقك حرام. On en déduit donc de ce hadith également, et c'est le dernier point que Cheikh Ibn Uthaymeen a cité, que l'émigration fait partie des actes pieux et des actes vertueux, car la personne qui émigre, émigre pour Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis il y a une question qui se pose, à savoir est-ce que l'émigration est obligatoire ou bien alors est-elle préférable? La réponse, il faut donner des précisions. Si la personne a la possibilité d'appliquer sa religion ouvertement et qui ne trouve personne qui ne l'en empêche, alors l'émigration est préférable. Et si la personne n'a pas la possibilité de pratiquer ouvertement sa religion, alors l'émigration devient obligatoire, et c'est ce qui différencie entre le préférable et l'obligatoire, à savoir la possibilité ou non d'appliquer ouvertement sa religion. Ceci concernant les pays non musulmans. Quant aux pays qui sont musulmans, mais dans lesquels sont apparues des perversités, Cheikh Ibn Uthaymin dit, si la personne qui vit dans ces pays a peur de sombrer dans l'égarement, alors nous lui disons ici, l'émigration est obligatoire. Et s'il n'a pas peur pour sa religion, alors l'émigration n'est pas obligatoire. Et nous pouvons même dire que le fait qu'il reste dans ce pays, c'est-à-dire musulman, de lequel apparaît à ciel ouvert la perversité, nous disons même que le fait qu'il reste est un bien. Car le pays dans lequel il vit a besoin de personnes comme lui qui sont pieuses et qui ordonnent le bien et interdisent le mal. En résumé, l'émigration d'un pays non musulman vers un pays musulman n'est pas comme l'émigration d'un pays musulman qui connaît des perversités. Et on peut dire à cette personne, c'est-à-dire qui vit dans un pays musulman qui connaît des perversités, patiente et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si tu es une personne vertueuse et pieuse. Et dans certains cas, concernant des personnes qui ont de la science, qui vivent dans les pays musulmans où la perversité est apparue, il est même, dans certains cas concernant certaines personnes, interdit pour eux d'émigrer. Car le pays a besoin d'eux, a besoin de leur science, a besoin de leur lumière, a besoin de leur commandement du bien et de leur interdiction du mal. Et le fait que ces personnes partent de ce pays va faire en sorte que ces personnes sombriront plus encore dans l'égarement. Et donc c'est l'avis de certains savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, qui considèrent que l'émigration dépend de la capacité ou non du musulman d'appliquer ouvertement sa religion ou non. Et il y a d'autres savants qui considèrent que le simple fait de vivre au sein des non-musulmans, dans un pays non-musulman, est un péché en soi-même. Et ils ont pour preuve les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il interdit de vivre au sein des non-musulmans sans en donner la cause, ou sans rattacher ce jugement à une quelconque cause. Parmi ces hadiths, le hadith du prophète sallam, inni bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna dhahranay al-muslimin bayna dhahranay al-mushrikin. Je me désavoue de tout musulman qui vit au sein des polythéistes. Et dans un autre hadith, le prophète sallam a dit, al-muslimu wal-kafir la tatara'a naruhuma. Al-muslimu wal-kafir la tatara'a naruhuma. C'est-à-dire que le musulman et le non-musulman, leurs feux respectifs ne doivent pas être vus. Quel est leur feu? Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils s'éclairaient? Avec le feu. Ce soit des chandelles ou autres, leur éclairage était avec le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman et le non-musulman, leurs feux respectifs ne doivent pas se voir. Autrement dit, ils doivent être éloignés. C'est-à-dire que le musulman doit s'éloigner des non-musulmans de telle sorte qu'il ne voit pas leur habitation et qu'il ne voit pas le feu qu'ils utilisent pour s'éclairer. Et ici, dans ces hadiths, le professeur Asselem n'a pas dit, on n'a pas posé comme condition, à condition que ce musulman ait la possibilité ou non d'appliquer cette religion. Ensuite, une question qui se pose, que veut dire appliquer sa religion? C'est une question qui mérite une réponse bien précise. Car il y a des choses qui font partie des emblèmes de la religion, qui font partie des bases de la religion, qu'ils ne peuvent pas, et ceci est certain, qu'ils ne peuvent pas être appliqués dans un pays non musulman. Sans entrer dans les détails, mais il faut prendre avec précaution la parole des savants lorsqu'ils disent lorsqu'une personne a la possibilité d'appliquer ouvertement sa religion. Est-ce que c'est le simple fait de faire sa prière, ou est-ce que c'est plus vaste que cela? C'est beaucoup plus vaste que cela, et les savants sont entrés dans ces détails, et parmi eux, Al-Imam Ibn Ibrahim, Al-Sheikh, rahimahullahu ta'ala, qui a expliqué ce que voulait dire appliquer ouvertement sa religion. C'est tout d'abord les prières, mais c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la croyance du musulman. Il faut donc prendre conscience de la parole des savants, et de ne pas comprendre la parole des savants comme on le veut. Car certains ont dit ou disent qu'il n'est pas obligatoire ou il est préférable d'émigrer de la France vers un autre pays. Car en France, on a la possibilité d'appliquer ouvertement notre religion et personne ne nous l'interdit. Est-ce que cela est réellement vrai ou non? Est-ce qu'en France, on peut appliquer ouvertement notre religion? La personne qui dit oui, je dis alors, est-ce que ta fille peut aller à l'école en étant muhtajiba? Est-ce que ta fille a le droit ou peut aller à l'école en portant son voile? Non. C'est donc une interdiction ou un empêchement d'appliquer ouvertement sa religion. Donc ceux qui disent que l'émigration de la France, par exemple, n'est pas obligatoire, doivent revoir leur copie. Wallahu a'lam. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.